Chapitre 7e. Lorsque les rideaux rouges furent retombés, Ida jeta ses bras autour du cou de sa mère et appuya son visage sur son sein. « Oh, maman, vous êtes une diplomate » s'écria-t-elle. Mais l'expression de sa mère était plutôt celle du général qui voit les premières lueurs du canon que celle du général victorieux. « Tout ira bien, chérie » dit-elle en abaissant ses yeux sur les boucles blondes et la petite oreille de sa fille. « Il y a encore beaucoup à faire. » Mais je crois que nous pouvons nous risquer à commander le trousseau. Oh, comme vous êtes brave! Naturellement. En tout cas, les choses doivent se faire très simplement. Il faut qu'Arthur obtienne la licence. Je n'approuve pas les mariages secrets. Mais lorsque l'homme doit occuper une position officielle, il faut faire quelques concessions. Nous pouvons avoir Lady Hilda Edgecombe, les Trevor, les Greville, et je suis sûr que le Premier ministre viendrait, s'il le pouvait. Et papa? Oh oui, il viendra aussi. S'il est assez bien portant. Il nous faut attendre que Sir William soit parti, et en attendant je vais écrire à Lord Arthur. Une demi-heure s'était écoulée. Nombre de billets avaient été expédiés de l'écriture fine et hardie de Lady Charles lorsque la porte battit. L'on entendit bientôt après les roues de la voiture du docteur raclant le trottoir. Lady Charles déposa sa plume, embrassa sa fille et se rendit à la chambre du malade.